Bonjour Aurore. Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Très bien, toi? Eh ben écoute, toujours bien quand il s'agit de parler de cinéma. Alors, c'est le cinquième épisode déjà de notre podcast Ok Ciné. Voilà, c'est un peu la reprise. Alors certes, on a repris tranquillement au mois de septembre, mais là, on attaque dans le dur, puisque bon, on va parler d'un film qui a fait beaucoup parler de lui, de par sa durée, notamment, puisque c'est plutôt Oui. rare d'avoir un film aussi long au cinéma, et forcément, bah, de par le réalisateur et les acteurs. On ne pouvait que parler de ce film-là, donc qui est sorti le 18 octobre dernier. Donc il s'agit de... Killer of the Flower Moon. Voilà, je te laissais la main puisque tu parles mieux anglais que moi. Donc, pour la petite histoire, donc au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent Osage que possible avant de recourir au meurtre. Donc voilà le pitch de ce thriller. Mené par Martin Scorsese, avec donc Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et bien évidemment Lily Gladstone, donc qui est une actrice moins connue forcément que DiCaprio et De Niro, mais qui a un rôle très très très important dans le film. Alors déjà là, à chaud, toi tu l'as vu dans quelles conditions et qu'en as-tu pensé? Alors moi je l'ai vu donc juste avant sa sortie le mardi soir du coup au Festival Lumière à Lyon. Donc il a été présenté par Thierry Féraud qui est le directeur du festival et c'est aussi le délégué général du Festival de Cannes. C'est lui qui accueille les stars en haut des marches à Cannes. Et donc du coup, il nous avait un petit peu expliqué l'ambiance, expliqué pas exactement de quoi parler le film, mais en tout cas pourquoi ils avaient fait ce film. Et en fait, c'était avec Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese qui voulaient absolument faire ce film et dans le meilleur respect possible pour le peuple Osage. Bien, en effet, tu as eu une extrême chance de le voir dans ces conditions. Moi, voilà, je l'ai eu l'occasion de le voir la semaine de sa sortie, sur grand écran aussi, hein, bien sûr. Bah, en effet, voilà, un film de Scorsese, déjà, c'est généralement un film qui ne se loupe pas, puisqu'on est rarement déçu du réalisateur. Alors certes, il en a fait beaucoup, mais là, pour le coup, il y avait quand même ses acteurs fétiches. Robert De Ah Niro bah en oui. tête, bien évidemment, et puis bah Leonardo DiCaprio. Et en plus, voilà, le sujet était quand même très intéressant, et surtout la durée du film. Moi, ça m'a fait rire puisque t'as peut-être suivi Aurore sur les réseaux, mais les gens un peu criaient au scandale en disant non mais attends, qui va aller voir un film qui dure presque 3 h 30, etc., etc. Alors que derrière, des gens disaient bah vous payez bien une place de concert qui dure plus de 3 h, ou vous passez une soirée techno, je crois, pendant plusieurs heures. Enfin bref, chacun essayait de défendre la durée du film. Et finalement, je ne sais pas toi, mais moi je ne les ai pas vu passer ces 3 h 26 précisément. Non plus. Et du coup, on rentabilise un petit peu le prix de ta décision. Largement, mais. Non, mais vraiment, je me suis dit, ouais, 3h26. Et au début, quand je voyais le rythme du début du film, j'ai eu sincèrement un peu peur. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un rythme, et du coup, on en a discuté avec les personnes avec qui je suis allée le voir. J'ai trouvé que c'était un peu un rythme comme Oppenheimer, où on a l'impression que le début est très lent, et que, en fait, à la fin des 3h30, on se dit, punaise, on les a pas vus passer, en fait. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai que on a un peu ce côté un peu Oppenheimer. Ça monte vraiment crescendo, mais on n'est pas sur de l'action brute ou sèche, je veux dire, Non. qui est tout le long du film. C'est-à-dire que à certains moments, il y a vraiment voilà des moments de surprise, et à certains moments, ça prend le temps d'expliquer les choses, mais je suis d'accord avec toi, la durée ne se ressent absolument pas puisque le film finalement est très bien rythmé et au-delà d'être un simple thriller, le film mélange un peu les genres. On a un peu du western, un peu de la mafia, voire même bah, du drame avec aussi une romance, hein, mine de rien. Oui, et un peu de policier aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vraiment adoré dans le film, et ce qui est très rare, c'est que on va de A à Z dans l'histoire. Tu vois, on a les meurtres, on a l'enquête et on a le jugement. Et ça, j'ai vraiment, c'est très rare. Généralement, tu sais, on est dans un, comment dire, on suit le jugement et on a des flashbacks sur ce qui s'est passé. Et là, on a vraiment tout dans la chronologie. Oui, c'est vrai que la chronologie est très bien faite et forcément enfin l'ensemble du film est bien fait aussi en partie grâce à la réalisation forcément de Scorsese hein, qui maîtrise son sujet. En tant que spectateur, on sent que le réalisateur a pris la peine de se documenter, de se renseigner. Voilà, c'est pas fait à la va-vite. Les acteurs aussi, bien évidemment, ils campent le rôle parfaitement. Et j'en parlais tout à l'heure. Donc, on a donc au-delà de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, Lily Gladstone qui est un peu la surprise de ce film. Oui. Ah oui, elle joue extrêmement bien. Elle est en lice pour les Oscars 2024, d'ailleurs, pour ce rôle-là. Et ce qu'on s'est dit aussi, après avoir regardé le film, c'est je n'aimerais pas lire le bouquin dont est tiré le film, qui est un livre du même nom de 2017 de David Graham. Sincèrement, vu le détail qu'on a dans le film, j'aurais vraiment du mal de lire les livres, enfin le Oui, livre. on aurait ce sentiment un petit peu de redite presque, alors que voilà, c'est quand même bizarre de dire ça, parce que généralement, justement, dans un film, on n'a pas tout, enfin, on peut pas tout avoir. Mais là, en effet, je suis d'accord avec toi, le film est tellement détaillé, parce qu'au-delà du trio d'acteurs principaux, même les personnages secondaires sont très, très bien écrits. Oui. Donc, en effet, je te rejoins là-dessus. Après, bien évidemment, les décors sont somptueux. Enfin, clairement, on en prend plein la figure pendant tout le film. Chaque détail compte, même les costumes. Enfin, voilà, on est vraiment en immersion avec ce peuple Osage d'Amérindiens. Et on se prend même d'affection. Et c'est horrible de dire ça, mais on a presque envie d'être plus amérindien que blanc, finalement, en voyant le film. Oh, c'est pas si horrible, c'est vrai. Enfin, c'est pas eux qui se font tuer, mais bah, après, voilà, c'est comme tu disais, c'est vraiment grâce à la performance de Lily Gladstone qui est sincèrement qui est impressionnante. Enfin, du début à la fin, notamment, c'est surtout le duo Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone, pardon, qui est vraiment impressionnant. Et moi, je sais que j'ai détesté Leonardo DiCaprio, ça, il m'a frustré pendant tout le film. J'avais juste envie de le secouer pour lui dire, mais réveille-toi. Et c'est impressionnant comment son amour est inférieur à son amour pour l'argent. C'est absolument impressionnant. Oui, bah c'est vrai que en effet on a cette idée de romance finalement qui est en toile de fond parce que voilà on pourrait se dire bah voilà Scorsese il nous en met généralement plein la vue etc. Mais là il prend le temps en effet avec ses personnages et il y a beaucoup de scènes intimistes finalement et c'est pour ça que je disais que voilà on se prend plus même d'affection pour les Amérindiens que pour les Blancs. Alors je dis pas qu'on en vient à renier entre guillemets les Blancs mais c'est tellement horrible finalement ce qui se passe dans le film, qu'on a même du mal à croire que ça a pu se passer historiquement parlant. Oui, on a du mal. Après, sincèrement, c'est un peu l'histoire raciale, malheureusement, Eh oui. depuis des millénaires. Et oui, malheureusement, en effet, c'est la véritable histoire. On a parlé donc un peu de DiCaprio et de Lily Gladstone. On n'a pas parlé de Robert De Niro. Toi, qu'en as-tu pensé? Oh, il joue extrêmement bien. Il est très bien dans le rôle du méchant, ce qui est quand même assez rare parce que quand il est sous la, enfin devant la caméra de Martin Scorsese, c'est généralement le héros. Et là, de le voir en méchant, ça, je trouve que ça lui va extrêmement bien. Je te rejoins, en effet, ça lui va extrêmement bien. Alors c'est marrant parce que Martin Scorsese aussi aime bien mettre des lunettes à l'acteur. J'ai vu ça passer. Les gens disaient, alors voilà, le hobby de Martin Scorsese, c'est de mettre des lunettes à Robert De Niro. Et dans le film, en effet, bah, il a des lunettes bon, assez classiques finalement, mais à un moment donné, il a des grosses lunettes en cuir. Et du coup, c'est très, c'est assez marrant, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que finalement, c'est un méchant sans en être. Enfin, vraiment, il a une ambivalence dans son personnage, une dualité qui est vraiment très intéressante. Et en fait, au début, on va le voir comme le saint homme, et au fur et à mesure du film, sans trop spoiler, bien évidemment, et ben, on va découvrir son vrai visage. Et c'est ça qui est très intéressant à voir. Et en effet, il a un bon rôle de composition finalement. Et je pense qu'en effet, le fait d'avoir déjà joué des héros avant et là d'être en mode un petit peu plus méchant, bah, je pense qu'en effet il a dû se servir et se nourrir aussi de ses précédents personnages pour arriver à ce rôle là et mine de rien à 80 ans bah, il tient encore la route hein. Ah bon, vu qu'il vient d'avoir un enfant récemment. Et oui, donc comme quoi il n'y a pas d'âge pour jouer au cinéma oui. Mais donc, bah voilà, en effet, Killers of the Flower Moon, c'est notre coup de cœur de ce mois-ci avec Aurore. On a tous les deux adoré. Voilà, pour moi, tout y est. Enfin, en vrai, il n'y a rien à redire. Hein, on peut toujours peut-être trouver des petits bémols, mais là, j'avoue que même après plusieurs jours, j'ai du mal à trouver du négatif. Ouais, je suis d'accord. Il est très bien écrit, c'est très bien joué. Très bien orchestré, c'est un très très très beau film, extrêmement intéressant, très dur aussi. Même si, enfin, l'histoire c'est déjà extrêmement bien grâce au rythme, grâce à comment le film a été orchestré, mais oui, l'histoire est quand même extrêmement dure à vivre. Hein. Ah oui, le film, en effet, là, on en parle. Alors, je ne sais pas si on en parle de façon légère, mais voilà, le film est quand même assez dur, assez prenant. On y repense après. Donc voilà, c'est un film qu'on prend le temps de voir, qu'il faut tout de même, en effet, digérer. C'est bien, je pense, d'en parler, parce que je pense que aussi, suivant les spectateurs, bah, chacun a son affect, peut-être par rapport à tel ou tel personnage, à telle ou telle situation. Donc voilà, pour moi, un bon film, c'est un film dont on parle. Et je pense qu'en effet, ce film-là, on va en parler longtemps et je pense qu'il sera dans le top de la filmographie de Martin Scorsese. En tout cas, je l'espère. Voilà, nous l'espérons. Alors après vous avoir parlé de Killers of the Flower Moon, qu'on vous recommande fortement avec Aurore, comme vous le savez, on aime bien voilà, amener un petit fait étonnant, un petit fun fact. Alors, voilà, toi, Aurore, qui est un peu la spécialiste de cela, de quoi vas-tu nous parler Ce qu'il faut savoir, c'est. Je ne vais pas tout de suite vous dire de quel film se tire le fun fact. Ce qu'il faut savoir, c'est. Bon, grand réalisateur extrêmement connu, Christopher Nolan, depuis pratiquement tous ses débuts, il a toujours fait ses films avec le même directeur de la photographie. Wally, c'est Pfister. Sauf qu'il y a un seul film où, en fait, lorsque Christopher Nolan l'a appelé pour lui demander savoir s'il réenchaînait, il acceptait de redevenir son directeur de la photographie pour ce film-là. Wally, en fait, a refusé pour se faire son propre nom. Il a dit que c'était une aventure très sympa, mais ça lui suffisait. Il voulait faire être propre réalisateur. De son propre film. Et du coup, je vous laisse imaginer sa réaction lorsqu'en 2014, Wally est donc allé au cinéma voir le film de son ami Christopher Nolan, qui est sorti donc en 2014, Interstellar, qui est sincèrement, à mon humble avis, un des meilleurs films jamais faits dans l'histoire du cinéma, et notamment dans la filmographie de Christopher Nolan. Et en fait, Wally, en même temps, il y avait son film donc, dans lequel il était réalisateur qui était sorti en même temps, et c'était Transcendance avec Johnny Depp. Alors, je sais que Kevin, tu l'as vu. Oui, sur un je l'ai vu. bon Alors, je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma. J'en garde un bon souvenir, mais principalement pour la forme, un peu moins sur le fond quand même. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un petit indice notamment par rapport aux notations. Ce qu'il faut savoir, c'est que Transformance est noté 2,6 sur 5 sur Allociné et 5 sur 10 sur Sens Critique. Alors qu'à contrario, Interstellar est noté donc 4,5 sur 5 sur Allociné et 7,9 sur 10 sur Sens Critique et même 8,7 sur 10 sur IMDb. Donc voilà, même les spectateurs apparemment ont l'air de bien comparer les deux films. Oui, en effet. Je suis d'accord. Donc voilà. Et voilà, parler de Transcendance, en effet, c'était avec Johnny Depp. Et voilà, c'est vrai que voilà, ça faisait un peu copier-coller, voilà, de certains films. Et en effet, le film, comme je l'ai dit précédemment, était plutôt beau. En effet, il a été fait par un directeur de la photographie, mais ce n'est pas un réalisateur, et ça se voit. Donc, voilà. Ah bah oui, bah on peut pas s'improviser, voilà, hein, Christopher Nolan. Non, ça c'est clair. Bah écoute, merci Aurore pour ce point très intéressant. Donc comme vous le savez, à chaque fois, voilà, nous on aime bien mettre en avant des prochaines sorties. Donc toi, Aurore, tu as eu la chance d'aller au Festival des Lumières à Lyon, qui s'est tenu il y a quelques semaines, et tu as notamment vu un film en avant-première, même en avant-avant-première, puisqu'il n'est pas encore sorti, il sort dans quelques semaines. Alors, de quel film s'agit-il? Et puis peut-être, voilà, tu peux nous faire un petit retour rapide sur le Festival des Lumières, qui, je pense, a été très intéressant. Alors, du coup, je suis allée voir en avant-première le dernier film de Miyazaki, Le garçon et le héron. Alors, pour le petit retour sur le Festival des Lumières, c'est un festival, donc, comme je disais, où il y a donc des avant-premières, des nouveaux films, comme il y a des films cultes, il y a des films qui ont été refaits, Remasterisé ils ont peut-être en 4K, remasterisé, oui, ouais, c'est ça, merci, ouais. Et donc, on a eu l'occasion d'aller voir Le Silence des Agneaux, par exemple. J'ai vu le premier Mary Poppins avec Julie Andrews. J'ai vu du Buster Keaton. J'ai vu des documentaires. Il y a des films internationaux, que ce soit américains, que ce soit plus des films bollywoodiens ou des films plus de la culture japonaise. Il y a vraiment énormément de films. Je crois qu'il y avait 148 films, un truc comme ça, Et le tout 180 sur une films pour semaine? 400, c'est ça, pour Ah une oui. semaine. Du vendredi au dimanche, en fait, il y avait Ah 400 oui. projections Eh ben dis donc. du coup, c'est dans tous les cinémas de la ville de Lyon. Alors, en plus d'être une très belle ville, hein, c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Lyon, c'est la ville d'origine des frères Lumière. Et donc, du coup, vous avez plusieurs expositions différentes sur ce sujet-là. Et en plus, il y a le prix Lumière qui est remis aux réalisateurs ou acteurs qui ont contribué à l'histoire du cinéma. Et cette année, c'était Wim Wenders, qui est un réalisateur qui a fait des documentaires et des films de fiction. Comme Oui, par qui exemple, a sorti un film récemment, hein, Anselme. il y en a plusieurs. Il y en a un qui a eu le prix d'interprétation à Cannes. Je ne pourrais plus vous dire le titre. Il y en a Ouais. eu deux cette année. D'accord, ok, très bien. Voilà. Il y a eu un fiction et un documentaire, si je ne me trompe pas. Et donc, toi, tu as vu combien de films alors au total? Alors, au total, du coup, j'en ai vu un peu plus. J'ai vu une dizaine à peu près. Oui, c'est pas J'ai eu mal déjà sur une l'occasion. semaine. J'ai eu l'occasion d'assister à une masterclass avec Wes Anderson. On a vu l'incroyable histoire de Henry Sugar et Budapest Hotel. Et en plus, du coup, Wes Anderson qui nous expliquait comment se passaient notamment les films et ses anecdotes à ce propos. Quelle chance. Ouais. Et donc, en parlant de chance, donc, en effet, tu as eu l'occasion de découvrir avant tout le monde donc, le nouveau film de Miyazaki. C'est ça, qui est donc sorti au Japon. Ils n'ont pas fait de promo, ils n'ont absolument pas fait de promo avant la sortie. Là, nous, on a eu l'occasion d'avoir le trailer qui est sorti parce qu'il y a eu la sortie au Japon. Mais alors, c'est censé être le dernier, sauf qu'apparemment, Miyazaki est déjà en train de travailler sur son prochain. Donc, il ne s'arrête pas non plus. Hein. C'est ça. Il n'a pas envie. Hein. C'est ça. Et oui, effectivement, donc j'ai eu l'occasion de le voir. C'est un très beau film. C'est vraiment un très beau film, très mignon, très. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de voir l'ancienne animation, j'ai envie de dire, où vous avez les objets qui ne vont pas être animés, qui ont une texture très prononcée. Et par contre, les objets animés qui ont une texture beaucoup plus lisse. Et c'est des animations que j'aime énormément, qui changent énormément du 3D très Disney. Et donc du coup, et puis bon, l'univers Miyazaki est toujours très très intéressant et très beau à voir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Kevin. Alors moi, je dois t'avouer, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts par beaucoup de personnes, n'avoir pour ainsi dire jamais vu de film d'Hayao Miyazaki, ou du moins j'étais vraiment très très très très très très jeune. Mais c'est vrai que voilà, c'est prévu. Il faut que je me fasse la filmographie d'Hayao Miyazaki, parce que je sais que ce sont voilà des films d'animation classiques à voir absolument, au moins une fois. Alors après voilà, il y en a des meilleurs que d'autres certainement. Mais voilà, j'en ai pas forcément vu plus que cela. Et voilà, ça peut être peut-être une bonne occasion de démarrer justement avec celui-ci. Ah oui, franchement, oui, enfin, moi je trouve que c'est un très bon démarrage pour bien se plonger dans l'univers. Parce qu'il est pas facile à comprendre. Hein, la culture japonaise est quand même assez différente de la culture occidentale. Mais c'est quand même un très très beau film. Et puis après, il y a l'oncle voisin Totoro, il y a le voyage de Chihiro, il y a Princesse Mononoke, le tombeau des Lucioles, il y en a énormément. Des durs, des plus tristes que d'autres, notamment le tombeau des Lucioles qui est extrêmement triste. Et d'autres très mignons et très... très gentil, on va dire, mais toujours avec une très bonne morale sur la vie, très bonne leçon de vie durant le film en tout cas. Alors concernant le tombeau des Lucioles, en effet, c'est un film que j'ai vu étant plus jeune. Et si en effet il est produit par le studio Ghibli, le fameux, il n'est pas réalisé par Hayao Miyazaki, mais par Isao Takahata. Ah, okay. Et moi, je me trompe souvent aussi, parce que ouais. C'est pour ça que je voulais te le dire. Je crois que c'est ça le film que j'ai vu de Miyazaki, mais à chaque fois, je me trompe. Et ben voilà, ça n'a pas manqué. Toi-même, tu es tombé dans le panneau. donc voilà, ce n'est pas Hayao Miyazaki, mais c'est vrai que on pourrait croire. Ouais, c'est l'univers Ghibli. Voilà. Et oui, on voilà, c'est pour ça. C'est toujours Ghibli, c'est Miyazaki. Et oui, mais non, pas que. Et en ce qui me concerne, alors c'est un film qui sort également prochainement, donc le 8 novembre prochain, c'est La Passion de Dodin Bouffant. Alors pourquoi j'en parle, puisque il est quand même en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. Il a coiffé au poteau Anatomie d'une chute. Alors ça a été un peu décrié là encore, hein, parce qu'Anatomie d'une chute était quand même le film tout trouvé pour représenter la France aux Oscars, mais non. C'est La Passion de Dodin Bouffant, réalisée par Tran Anh Hung avec Juliette Binoche et Benoît Magimel, qui a d'ailleurs eu déjà un prix au Festival de Cannes, puisqu'il a eu le prix de la mise en scène. Donc c'est sur le monde culinaire, hein, de la gastronomie. Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Et au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque, est née une relation amoureuse. Toujours, il y a toujours une petite histoire d'amour, hein, dans les films. Et voilà, il va se passer pas mal de choses. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je dois avouer que la bande-annonce m'a donné fortement envie. Benoît Magimel, Juliette Binoche, généralement, on est rarement déçus. Le film a l'air en effet très beau. Et alors moi, à chaque fois que ça parle de nourriture, bah moi je suis client. J'adore ça. Je suis très client de tous les films qui parlent du milieu de la gastronomie. Je sais pas si c'est dû aux émissions telles que Top Chef et où du coup la cuisine a été remise un petit peu sur le devant de la scène, parce que à une époque, le fait d'être cuisinier, bon, c'était pas forcément le métier rêvé ou c'était peu reluisant, mais là, depuis ces dernières années, aujourd'hui, tu es cuisinier, bah on le voit bien. Hein, y en a beaucoup aujourd'hui qui travaillent dans des palaces, des restaurants étoilés qui sont primés avec notamment le concours du meilleur ouvrier de France, etc., etc. Et voilà, du coup, je me dis bon bah ça ne peut que me plaire. Et en plus, s'il a eu un prix à Cannes et si en plus il est en lice aux Oscars, bon, je pense quand même que le film mérite le coup d'œil. Oui, bien sûr. Bah en tout cas, merci Aurore pour voilà, cet échange cinématographique. C'est toujours un plaisir. Donc, Killers of the Flower Moon, absolument à voir au cinéma. Et bien évidemment, donc prochainement, Le Garçon et le Héron et donc La Passion de Dodin Bouffon. Alors, on est sur deux genres différents. Alors là, c'est le jour et la nuit. Hein. Mais bon, il en faut pour tout le monde. C'est ça qui est bien. Et bien évidemment, bah, n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience cinématographique via notamment notre page Instagram OK Ciné. Vous pouvez également nous réécouter hein, en podcast aussi sur Fadjet et autres plateformes. Et on se retrouve donc le mois prochain pour parler d'un nouveau film qui, j'espère, nous hypera tout autant que celui dont on a parlé aujourd'hui et pour de nouvelles sorties cinématographiques. Eh bien, au revoir et merci beaucoup. Merci à toi, Aurore.